إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence le cours 26 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha avec le charh du Cheikh Saleh al-Fawzan, et on est arrivé maintenant à l'explication d'une des formes d'adoration qui est al-Zabh. Al-Zabh, c'est-à-dire d'égorger ou de sacrifier un animal pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'immoler. Donc c'est ce que ça signifie. Et ensuite on va faire al-Nadr. C'est les deux derniers, hein, les deux dernières formes d'adoration qui sont mentionnées par le Cheikh, al-Zabh ou al-Nadr. Donc on va commencer ici par al-Zabh. Le Cheikh dit al-Zabh aqsamuhu wa daliluhu, c'est-à-dire al-Zabh, ses différentes catégories et sa preuve, la preuve que c'est une forme d'adoration. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit: wa dalilu al-dhabhi qawluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa min as-sunnah la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah. Donc la preuve que al-dhabh c'est une adoration, c'est dans le verset 162 dans sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي, c'est-à-dire dit au Muhammad à ces gens que ma salat et mon sacrifice, al-nusuk, ça veut dire le sacrifice, le fait d'égorger ou de sacrifier un animal, وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ, de même que ma vie et ma mort sont à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. C'est à lui que tout ça appartient. Donc, la preuve du Coran, une preuve dans le Coran que al-dhabh c'est une adoration, c'est le verset قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et une preuve dans la sunna, c'est une partie du hadith, une partie du hadith qui est rapportée selon Ali ibn Abi Talib, rapporté par l'imam muslim, selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, dans lequel il dit: لعن الله من ذبح لغير الله, c'est-à-dire que Allah maudisse celui qui égorge ou qui sacrifie un animal pour autre que Allah. C'est la preuve que de sacrifier pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est haram et que c'est shirk. Donc on va lire les explications de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Le Cheikh Al-Fawzan, il a divisé les différentes formes de sacrifice, hein, et de fait d'égorger ou de d'égorger un animal en quatre catégories. La première catégorie, les différentes catégories, الذبح على أربعة أقسام. الأول, donc la première catégorie, الذبح على وجه التقرب والتعظيم لأحد ما. وهذا لا يجوز إلا لله عز وجل لأنه من العبادات المالية. فلا يجوز الذبح للجن ولا للشياطين ولا للملوك ولا الرؤساء تعظيما لهم لأن هذه عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. Donc le cheikh il explique que donc la première catégorie de quand on parle de sacrifier pour autre que Allah ou bien de dhabh quand on parle de sacrifice, la première catégorie c'est la personne qui sacrifie pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans le but de se rapprocher et dans le but de montrer du respect ou d'exalter une personne en particulier ou quelque chose. Et ça, c'est pas permis de le faire excepté pour Allah seul. Parce que ça fait partie des adorations économiques. Ça fait partie des adorations économiques que tu fais avec ton argent. Parce que quand tu vas égorger ou sacrifier un animal, bien entendu, tu dois dépenser de l'argent pour acheter cet animal. Donc, ça fait partie des adorations économiques. Et il n'est pas permis d'égorger pour le djinn, de même qu'il n'est pas permis d'égorger aussi pour les shayatines, les diables, et il n'est pas permis non plus d'égorger de cette manière pour les rois ou pour les dirigeants par exaltation pour eux ou bien pour les vénérer ou pour les leur montrer du respect. Parce que c'est une adoration et toute adoration doit être exclusivement pour Allah, on n'a pas le droit de la donner à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit ensuite: والذين يذبحون للجن من أجل السلامة من شرهم أو من أجل شفاء المرضى كما يفعله الكهان والمنجمين الذين يدعون العلاج ويقولون للناس اذبحوا كذا لأجل شفاء مريضكم ولا تذكروا اسم الله عليه هذا شرك أكبر مخرج من الملة وهذا الذي قال الله تعالى محذرا من فعله لغير الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال فصلي لربك وانحر أي اذبح لربك. Donc le cheikh il dit ceux qui sacrifient ou qui égorgent pour les djinns parce qu'ils ont peur que les djinns leur fassent un mal. Donc, pour les, soi-disant pour dire qu'ils veulent comme calmer les djinns, ou apaiser les djinns, ils ont peur du mal que les djinns peuvent leur faire. Donc, pour les satisfaire, et pour qu'ils ne leur fassent aucun mal, eh bien, ils égorgent un animal pour eux. Et, également, ils font ça aussi, ils vont aller égorger un animal pour guérir un malade, soi-disant. Donc ça c'est ce que font les sorciers, les gens qui prétendent connaître l'avenir, qui prétendent pouvoir dire l'avenir, les voyants et les astrologues, les gens de ces catégories-là qui font du sihr et qui font ce genre de différentes formes de shirk de ce genre, ou bien ils font ce genre de shirk là, ils égorgent pour les djinns et pour les shayatines pour s'approcher d'eux et pour leur demander des choses en échange. Et ils prétendent pouvoir guérir les gens. Et ils disent aux gens, allez égorger tel animal, et puis vous allez être guéri de telle maladie. Ils disent ça et ils font ça. Et ça, c'est des choses qui se passent encore aujourd'hui, maintenant, dans les pays musulmans. Ils disent, allez égorger tel animal pour que votre malade soit guéri, et ne mentionnez pas le nom d'Allah sur cet animal. Donc ça c'est une forme de shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Et ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a averti les gens de faire. Il a averti les gens de ne pas faire ce genre de choses-là. Il a averti toute personne qui sacrifiait pour autre qu'Allah. Et il mentionne les versets, comme le verset qu'on a lu tout à l'heure dit « Ma salat, mon sacrifice ». Ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Et le verset 2 dans Surat Al-Kawthar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et donc, fais la salat pour ton Seigneur et sacrifie. C'est-à-dire, wanhar, c'est-à-dire, et sacrifie pour ton Seigneur. La deuxième catégorie, al-zabhu, al-thani, al-zabhu min ajli akli al-lahm. Wa hadha la ba'sa bihi. Li'annahu, ما ذبح من أجل التقرب والتعظيم لأحد وإنما ذبح لحاجة والأكل منه فهذا لا بأس منه لأنه ليس نوعا من العبادة ويذبح لبيع اللحم. Donc Le cheikh, il dit comme deuxième catégorie, celui qui sacrifie un animal dans le but de manger la viande. Hein? Il va, par exemple, comme le boucher, il va à l'abattoir, il égorge un animal hein, pour manger la viande ou bien pour la vendre à des clients. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est égorgé pour se rapprocher de quelque chose ou de quelqu'un. Hein? C'est uniquement égorgé dans le but de satisfaire un besoin quelconque ou bien de manger. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, il n'y a rien d'interdit là-dedans. Hein? Ce n'est pas une sorte d'adoration, ça ne rentre pas dans l'adoration. La troisième catégorie, الثالث, الذبح على وجه التقرب, عفوا, الذبح على وجه الفرح والسرور بمناسبة زواج أو مناسبة نزول مسكن جديد أو قدوم غائب أو ما أشبه ذلك بجمع الأقارب ويذبح من باب إظهار الفرح والسرور بما حصل له وهذا لا بأس به لأنه ليس فيه تعظيم لأحد ولا تقرب لأحد وإنما هو من باب الفرح والسرور في شيء حصل. Donc la troisième catégorie, c'est le fait d'égorger un animal dans le but de faire des réjouissances, hein, dans le but de célébrer un mariage, par exemple, dans un mariage, ou bien lorsque quelqu'un a acheté une nouvelle maison, il veut rentrer dedans, il veut célébrer ça, ou bien lorsque quelqu'un qui vient, qui a été absent pendant longtemps, il revient, donc on veut célébrer son arrivée, ou des choses de ce genre. Ou bien on veut réunir les proches puis célébrer ça, donc on veut faire de la nourriture et on égorge un animal dans le but de d'exprimer de la joie puis de la réjouissance pour qu'est-ce qui arrive. Donc ça, il n'y a aucun problème de le faire parce qu'il n'y a pas de vénération pour quiconque là-dedans et on ne se rapproche pas de quelqu'un en particulier. On le fait uniquement dans le but de se réjouir et d'exprimer notre joie à cause de quelque chose qui s'est produit. Donc ça, c'est correct. Et la quatrième catégorie, الرابع الذبح من أجل التصدق باللحم على الفقراء والمساكين والمعوزين هذا وهذا يعتبر سنة وهو داخل في العبادة. La quatrième catégorie, c'est d'égorger un animal dans le but de donner la viande en sadaqa aux pauvres et aux gens qui sont dans le besoin. Donc ça, c'est considéré comme étant quelque chose qui fait partie de la sunna, parce que tu fais quelque chose de bien, tu donnes de la viande à des gens qui sont pauvres et qui n'ont pas de nourriture. Donc ça fait partie d'une adoration, c'est une adoration et c'est quelque chose de bien. Donc ça y est pour al-dhabh. Hein? Il y a plusieurs autres formes, des fois, d'exemples qui sont mentionnés parfois dans d'autres livres, mais ici le cheikh il se limite à ça, yani, pour clarifier, pour montrer les points les plus importants. Yani, si tu égorges pour la fête, pour le mariage, pour la aqiqa, pour le walima, ou des choses de ce genre, ça rentre dans qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est sunnah aussi. Hein? Mais si tu le fais, comme par exemple, comme tu dis, ouais, tu veux remercier Allah, ben, dans ce cas-là, ça c'est encore une bonne chose, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne d'être reconnaissant envers lui et de le remercier. Et comme on a expliqué déjà, le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas seulement en disant bien, alhamdoulilah, avec la langue, mais il y a aussi un remerciement par le cœur et par le corps. Et l'exemple de remerciement par le corps, c'est le fait de faire des actes d'adoration, de faire des actes de bien, et le fait de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'appliquer sa sunna, c'est des actes de bien. Et donc quand tu fais ça, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière-là, tu vois. Donc c'est quelque chose de bien de façon générale. Dans la première catégorie, c'est qu'on a vu dans les quatre catégories, c'est celui qui égorge pour se rapprocher d'autres que Allah. Donc ça c'est shirk, donc ça rentre pas dans cette catégorie là. Tu vois, ça rentre plutôt dans le fait de faire quelque chose dans la quatrième catégorie, hein, puis dans la troisième aussi, mais dans la quatrième, du fait que tu le fais pour faire quelque chose de bien, tu, en même temps, parce que quand tu vas faire l'walima, quand tu vas faire l'aqiqa, tu vas inviter des pauvres, tu vas leur donner de la viande aussi, donc tout ça, ou bien la viande que tu vas égorger le jour de Eid al-Adha, tu vas donner une partie aux pauvres. Donc tout ça, c'est, tu fais du bien avec. Donc c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Tu vois? Le shirk, c'est quand tu fais pour autre que Allah. Hein? Là, ça c'est haram, ça rentre dans le shirk. Al-nadru wa daliluhu. Le fait de faire un vœu pieux. Ça c'est, on appelle en arabe al-nadr. On va expliquer la preuve et on va expliquer la signification de an-nadr comme le cheikh il l'explique lui-même dans le livre. Donc il dit la preuve que an-nadr c'est une adoration, c'est le verset 7 dans Suratul Insan. Yufuna bin-nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. C'est-à-dire ils respectent leur vœu. Hein? Ils respectent le vœu qu'ils ont pris. Et ils craignent un jour dont le mal sera yani, partout, yani, sera, va envelopper tout le monde. Donc, ici, le cheikh il explique donc al-nadr. Cheikh al-Fawzan il dit al-nadr wa huwa ilzamu l'insan nafsahu bi shay'in lam yalzimhu bi asli shara. C'est-à-dire que an-nadr c'est quoi? C'est qu'une personne s'impose à elle-même quelque chose qui n'a pas été imposé à la base dans la charia, qui n'a pas été imposé par la charia à la base. C'est-à-dire la personne, c'est elle-même qui se l'est rendue obligatoire. Et ça c'est ce qu'on appelle an-nadr. Donc par exemple, quelqu'un il dit par exemple, oh Allah. Yani, si tu me donnes telle ou telle chose, par exemple, tu me donnes le succès dans tel ou tel projet, ou que tu fasses, ou si tu guéris mon enfant de telle maladie, eh bien, je vais jeûner 2 mois consécutifs. Ça, c'est un exemple de nadr. Tu t'imposes à toi-même quelque chose qui n'a pas été imposé par la charia. C'est toi qui veux te le rendre obligatoire à toi-même. Donc, une fois que tu as pris cet engagement-là et que tu as fait ce vœu, avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, ça devient obligatoire de le respecter. D'accord? Du moment que ce n'est pas un vœu qui rentre dans ce qui est haram, qui rentre dans quelque chose qui est interdit. D'accord? Et de faire un vœu pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est shirk. Comme le font certains, par exemple, dans les pays musulmans, parfois, ils vont à la tombe d'un wali, ou de quelqu'un qu'ils considèrent être comme un homme pieux. Et ils vont demander à ce wali hein, de guérir quelqu'un de leur famille. Et ils disent, si tu guéris tel ou tel membre de ma famille de cette maladie-là, je vais revenir l'année prochaine, je vais sacrifier tel animal pour toi. Ou bien, je vais revenir l'année prochaine, je vais donner $1,000 en sadaqa hein, pour les responsables de la tombe. Ceux qui nettoient ou qui font l'entretien ou des trucs comme ça. Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce qu'ils appellent un nadr et ça c'est du shirk parce qu'ils le font pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit que yanzura an yasum ou yanzura an yatasaddaq bikaza fayalzimuhu al-wafa binadrihi li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam من نذر أن يطيع الله فليطيعه والنذر نوع من أنواع العبادة فلا يجوز إلا لله فمن نذر لقبر أو صنم أو غير ذلك فقد أشرك بالله عز وجل وهو نذر معصية وشرك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. Donc le cheikh il explique, il dit que al-nadr, c'est comme on l'a expliqué, c'est comme quelqu'un qui fait un vœu hein, qu'il c'est comme s'il promet qu'il va jeûner, hein, il fait ce vœu là qu'il va jeûner, ou bien qu'il va donner sadaqa si telle ou telle chose se produit. Eh bien, il doit, du moment qu'il a pris cet engagement là et qu'il a fait ce vœu là, il doit respecter ce vœu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait un vœu et qui dit qu'il va obéir à Allah ou qu'il promet d'obéir à Allah, alors qu'il obéisse à Allah. Donc, on sait ici que al-nazr, c'est une forme d'entre les formes d'adoration et qu'il n'est pas permis de l'offrir à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui va faire un vœu, comme on a dit, pour une tombe, ou bien qui va faire un vœu pour une idole, ou bien pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala de façon générale, alors il a commis un acte de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est quelque chose qui est c'est le plus grand de tous les péchés. Ou bien si il fait un vœu, pas pour autre que Allah, mais qui fait un vœu de commettre un péché, alors ça, dans ce cas-là, ça aussi c'est haram, il n'a pas le droit de le respecter, ce vœu-là. Comme par exemple, il dit, si par exemple telle ou telle chose se produit, eh bien, je vais aller casser la vitre de ta voiture, hein, par exemple. Ou bien, si par exemple telle ou telle chose, eh bien, je vais aller par exemple voler ou tuer ou faire quelque chose comme ça de mal. Ça, c'est haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait un vœu de désobéir à Allah alors qu'il ne le désobéisse pas. D'accord? Donc, si tu as fait un vœu de faire quelque chose qui est haram, tu n'as pas le droit de le faire. Tu dois annuler ça automatiquement et ne pas le faire. Donc, ça vient conclure les différentes formes d'adoration et le premier point dans les trois fondements. Le premier fondement dans les trois fondements, puisqu'on est en train d'étudier al-usul al-thalatha. Donc, les trois fondements, c'est, le premier c'est ma'rifatur rabb. Le premier fondement, c'est de connaître ton Seigneur. Donc là, on a expliqué, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est al-rabb, et que c'est lui qui mérite d'être adoré. Et on a expliqué c'est quoi les différentes sortes d'adoration avec les preuves. Maintenant qu'on a compris ça, il faut comprendre donc que ça c'est d'établir le tawhid dans l'adoration et de n'offrir l'adoration que à Allah seul. Maintenant, on va passer au deuxième fondement de la religion, et c'est de connaître l'islam avec les preuves, de connaître la religion de l'islam avec les preuves. يعني الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. Maintenant, donc, on va lire les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ici. Il dit: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. Donc le cheikh il explique que l'islam c'est quoi? C'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid, et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala par l'obéissance, et de se désavouer du shirk et des gens qui le pratiquent et qui font du shirk. Et la religion, elle est divisée en trois degrés. Il y a le premier degré qui est l'islam, le deuxième degré qui est al-iman, et le troisième degré qui est al-ihsan. Et chacun de ces degrés, il a des piliers. Donc ça c'est la première partie ou l'introduction de ce deuxième fondement. Donc ma'rifatu din al-islam, de connaître la religion de l'islam. Le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan il dit: فلما فرغ الشيخ من بيان معرفة الأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالأدلة انتقل إلى بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فقال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم عرفه وبين معناه، ثم ذكر مراتبه. Donc le cheikh, il dit, lorsque le cheikh a terminé d'expliquer le premier fondement, c'est-à-dire de connaître Allah avec les preuves, il passe maintenant au deuxième fondement, qui est le fait de connaître la religion avec les preuves. Et il dit, le deuxième fondement, c'est de connaître l'islam avec les preuves, puis il a défini qu'est-ce que c'est l'islam, c'est quoi la signification de l'islam, et il a mentionné les différents degrés. Donc il dit, فقوله رحمه الله معرفة دين الإسلام الدين يراد به الطاعة يقال دان له إذا أطاعه فيما أمر وترك ما نهى. Donc le cheikh il dit de connaître دين الإسلام, de connaître دين الإسلام, ça c'est le deuxième fondement. Maintenant le mot دين en arabe, الدين, qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh dit, on veut dire par ad-din, on veut dire at-ta'a. At-ta'a, ça veut dire l'obéissance en arabe. Donc at-ta'a, hein, ad-din, ça veut dire at-ta'a, l'obéissance. Quand on dit par exemple, on utilise le verbe dana yadinu, hein, dana yadinu, c'est le verbe, hein, qui est à l'origine du mot din. Donc dana, ça veut dire dana lahu iza ata'ahu. Donc lorsque tu as obéi à quelqu'un, on peut dire que tu, hein, tu as, en arabe on dit dana, hein, dana lahu, tu as obéi à quelqu'un, tu, on peut dire dana li fulan ou dana lahu, hein. Et donc ça veut dire d'obéir, hein, tu lui obéis dans ce qu'il t'ordonne et tu abandonnes ce qu'il t'est interdit de faire. Donc quand tu as fait ça, tu obéis dans ce qu'on t'ordonne et tu t'es abstenu ou tu t'es arrêté de faire ce qu'il t'a interdit de faire, on peut dire, on peut utiliser le verbe dana pour décrire ça, hein, qui est à l'origine du mot din. Wa yutlaqu ad-din wa yuradu bi al-hisab. Et on peut aussi employer le terme din en voulant dire le jugement. On peut aussi employer le mot din pour désigner le jugement dernier. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, kama fi qawlihi ta'ala, maliki yawm ad-din, hein, le roi du jour de la résurrection ou du jour du jugement. Yuqalu danahu idha hasabahu. C'est-à-dire, on peut dire danahu lorsque il a jugé quelqu'un, ou lorsque quelqu'un est jugé. كما قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين أي يوم الحساب يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كما الله يقول في سورة الانفطار verset 17-19 il dit, et qui te dira ce qu'est le jour du jugement, puis qui te dira ce qu'est le jour du jugement, le jour où aucune âme ne détiendra rien pour une autre âme, ne détiendra rien du tout pour une autre âme, et l'affaire tout entière ou le commandement tout entier ce jour-là sera à Allah seul. قوله بالأدلة أي أن معرفة دين الإسلام لا تكون بالتقليد أو لا تكون بالتخرص من عند الإنسان. الدين لا بد له من أدلة من الكتاب والسنة. أما الإنسان الذي لا يعرف دينه وإنما يقلد الناس ويكون إمعة مع الناس فهذا لن يعرف دينه، وحري به أنه إذا سئل عنه في القبر أن يقال أو أن يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالواجب على الإنسان أن يعرف دينه بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا إلا بالتعلم. Donc le cheikh explique que on doit connaître la religion de l'islam avec preuve. Le cheikh il explique que la connaissance de l'islam ça peut pas être par on peut pas le faire par taqlid seulement. Taqlid ça veut dire tu suis aveuglément qu'est-ce que les autres font, tu les imites. Donc la religion elle peut pas se prendre par imitation, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas l'apprendre par imitation, puis ce n'est pas non plus en essayant de deviner c'est quoi la religion par toi-même. Hein? Non, la religion, il faut la connaître avec preuve, et les preuves du Coran et de la Sunna. C'est de là qu'on doit prendre la connaissance de la religion. Tandis que si une personne ne connaît pas sa religion, il fait juste suivre les autres, qu'est-ce que les autres font, il est comme naïf, hein? Il fait juste suivre qu'est-ce que les autres lui disent, hein? Il prend sa religion des gens sans retourner aux preuves, alors celui-là il ne connaît pas sa religion correctement. Et c'est bien possible que celui-là, lorsqu'il sera questionné dans la tombe par les anges et qu'on lui demande qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, il va répondre, il va dire je ne sais pas. Il va dire je ne sais pas, hein? Malheureusement pour lui, et malheureusement que Allah nous préserve de ça, hein? Il va dire j'ai entendu les gens qui disaient quelque chose et moi je l'ai répété. Donc il ne connaissait pas sa religion pour lui-même, il fait juste répéter ce que les gens lui ont raconté. Donc c'est obligatoire pour quelqu'un de connaître sa religion avec preuve, et avec les preuves du Coran et de la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ce n'est pas possible de le connaître excepté en étudiant. Hein? C'est pas la science, elle va te tomber dessus comme ça, comme une révélation. Hein? On n'est pas des prophètes, on n'est pas des messagers. C'est pas comme ça, on reste assis, on fait du zikr et puis on devient savant sans faire d'effort. Ou bien c'est pas comme certains, par exemple, il y en a qui racontaient ça, il y en a dans certains groupes. Ils disaient, viens avec nous 40 jours, on va aller en Inde, on va aller au Pakistan, pas besoin d'étudier. Il y a des groupes qui sont partis telle place, ils connaissaient pas l'arabe, tout d'un coup ils étaient assis, et il y avait un discours en arabe, et il y a une lumière qui est apparue, et là tout le monde comprenait. Donc ça c'est des histoires qu'ils racontent pour écarter les gens de la science, et pour les éloigner de l'apprentissage, hein, et pour les contrôler par la suite, pour mieux les garder dans leur programme. Donc il faut étudier cette religion là et si tu étudies pas, tu vas pas apprendre. Et comme on dit, si tu dois étudier pour apprendre la médecine ou pour apprendre d'autres domaines d'ingénieur ou autre, hein, ou même pour apprendre pâtissier ou boulanger, tu dois étudier. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de la religion? C'est encore plus, hein, important de l'apprendre et de l'étudier et de la connaître. Ensuite le cheikh il explique maintenant la définition du mot islam. Qu'est-ce que ça veut dire le mot islam? Qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh il dit dans les paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit huwa al-istislam lahu bit-tawhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a wal-bara'ah min ash-shirk wa ahlihi. Donc l'islam c'est quoi? C'est de se soumettre à Allah par le tawhid. De soumettre à Allah par le tawhid, on va voir qu'est-ce que ça signifie. C'est-à-dire d'établir le tawhid, hein, dans notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant, hein, et de se désavouer du shirk et des gens qui pratiquent le shirk. C'est ça la définition. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ça la définition de l'islam. Cette définition, beaucoup de gens ne la connaissent pas. Et beaucoup de gens ne la comprennent pas non plus. Hein? Donc, ils savent pas que si on n'a pas respecté cette définition-là comme il faut, qu'on l'a pas compris comme il faut, on n'a pas compris l'islam. Hein? Aujourd'hui, tu demandes à des gens, si tu demandes qu'est-ce que c'est l'islam, ils vont te dire n'importe quoi. L'islam, c'est la paix. Ils vont dire l'islam, c'est la paix. C'est vrai que le mot islam, ça vient de la même racine que salam. Hein? Donc, ils disent l'islam, c'est la paix. Mais ça ne veut pas dire la paix seulement. Disons que un des mots qui découle de la racine du mot islam, sin, lam, mim, c'est la paix. Et le fait d'établir l'islam, c'est quelque chose qui produit ou qui procure la paix. Ou le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui procure de la paix. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est as-salam. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un de ses noms. Hein? Un de ses noms, il est as-salam. Mais l'islam, ça ne veut pas dire la paix. De dire que ça veut dire la paix, c'est de ne pas donner à l'islam sa vraie signification. Hein? Puisque islam et salam, c'est deux mots différents. Même s'ils ont la même racine, ils n'ont pas nécessairement la même signification. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le mot islam? Le cheikh, il dit, al-islam ma'khudhun min aslama lish-shay' idha inqada lahu. Aslama nafsahu lil-qatl, ay khada'a lil-qatl. Fa'aslama nafsahu lish-shay' idha inqada lahu. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Al-islam, ça vient du mot arabe aslama. Aslama lish-shay'. Ça veut dire que tu t'es soumis à quelque chose. Tu t'es abandonné à quelque chose. Tu t'es rendu. Comme l'exemple quand quelqu'un il vient avec une arme et il te dit les mains en l'air, tu lèves tes mains. Comme le cheikh Ramzan il expliquait quand il nous a montré la salat, il dit quand on commence le takbir, premier takbir, on lève les deux mains. Ça c'est un signe de soumission. C'est-à-dire ça y est, je me rends. Je me suis soumis complètement. Même la police, s'ils arrêtent quelqu'un, ils disent les mains en l'air. Tu lèves tes mains, ça veut dire ça y est, je me rends, je me soumets. Donc, c'est ça que ça veut dire l'islam. Ça veut dire tu te soumets, tu t'es abandonné, tu t'es soumis à. Même, il donne un exemple ici, aslama nafsahu lil qatl. Il s'est abandonné ici. Et il s'est soumis à la mort. Lorsqu'il s'est abandonné, il a accepté de. C'est comme s'il a accepté de se faire tuer, ou bien qu'il va se faire tuer. Donc, il accepte son sort. فالإسلام هو إسلام فالإسلام هو إسلام الوجه والقصد والنية له عز وجل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا بلى من أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله عز وجل وانقاد لله عن طواعية واختيار ورغبة ومحبة. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que l'islam ça veut dire de soumettre notre visage, notre intention, notre objectif à Allah seul. Ça veut dire que tu t'es soumis et tu as soumis ton intention, tu as purifié ton intention pour Allah seul. Et il mentionne le verset 125 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et qui est meilleur en religion que celui qui a soumis son visage à Allah seul ?» qui a soumis son visage à Allah seul et qui a été muhsin, c'est-à-dire qui a été bienfaisant et qui a suivi la religion d'Abraham qui était hanif, c'est-à-dire qui s'écartait du shirk et qui vouait son adoration uniquement pour Allah seul. Et le cheikh il explique « Bala man aslama wajhahu » oui, certes, celui qui a soumis son visage à Allah seul, et akhlasa amalahu lillah wa anqada lillah an tawa'iyatin wa ikhtiyarin wa rahbatin wa mahabba. C'est-à-dire celui qui a purifié ses actions pour qu'elles soient uniquement pour Allah, c'est lui qui a soumis sa personne à Allah. Il a purifié toutes ses actions pour qu'elles soient uniquement pour Allah. Il s'est soumis à Allah volontairement, de son propre gré, avec amour et désir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça al-islam, le fait de se soumettre. Et il dit al-istislam lillahi bit-tawhid wa huwa ifradullah jalla wa ala bil-ibadah. Hada wa hada huwa ma'na at-tawhid. فمن عبد الله وحده لا شريك له فقد أسلم له. Donc le cheikh il dit al-istislam bil-tawhid, c'est-à-dire de se soumettre à Allah par le tawhid. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'unifier Allah dans son adoration. Quand tu adores Allah, tu l'adores lui seul, tu n'associes rien avec lui, tu voues ton adoration qu'à lui seul. C'est ça la signification du tawhid. Donc quiconque va adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors et ne s'est pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui a adoré Allah seul, sans associé, sans partenaire, lui, il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? وقوله والانقياد له سبحانه بالطاعة فيما أمرك به وما نهاك عنه فما أمرك به تفعله وما نهاك عنه تجتنبه طاعة لله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, donc ensuite quand on dit et de se soumettre à l'inqiyad, l'inqiyad c'est la même signification que l'istislam. Al-inqiyad, ça veut dire que tu obéis à Allah, tu te soumets à Allah, hein, par ton obéissance. Donc, qu'est-ce qu'il t'ordonne, tu le fais. Qu'est-ce qu'il t'interdit de faire, tu t'en écartes, tu le fais pas. Donc, yani, tu fais ce qu'il t'ordonne, tu t'éloignes de ce qu'il t'interdit, par obéissance pour Allah. Maintenant, on a expliqué donc la première partie. Al-istislamu lillah bit-ta'a, al-istislamu lillah bit-tawhid wa al-inqiyad lahu bit-ta'a. Première partie. Maintenant, il y a l'autre, la suite. Wal-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. Et le fait de se désavouer du shirk et des gens qui commettent le shirk. Maintenant, on va lire qu'est-ce que ça signifie. Qawluhu wal-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. Al-bara'atu ma'naha al-inqita'a والاعتزال والبعد عن الشرك وأهل الشرك بأن تعتقد بطلان الشرك فتبتعد عنه وتعتقد وجوب عداوة المشركين لأنهم أعداء الله عز وجل فلا تتخذهم أولياء إنما تتخذهم أعداء تتخذهم أعداء لأنهم أعداء الله أو أعداء لله ولرسوله ولدينه فلا تحبهم ولا تواليهم وإنما تقاطعهم في الدين وتبتعد عنهم وتعتقد بطلان ما هم عليه فلا تحبهم بالقلب ولا تناصرهم بالقول والفعل لأنهم أعداء لربك وأعداء لدينك فكيف تواليهم وهم أعداء الإسلام. Donc le cheikh il dit maintenant il faut se désavouer également du shirk. Yani, tu peux pas dire que tu es sur l'islam si tu te désavoues pas du shirk. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cet aspect là ou cette partie là de l'islam. Ils pensent que c'est suffisant que eux, ils disent, moi, je ne me prosterne pas à une idole, je ne me prosterne pas à une croix, je ne me prosterne pas à d'autres que Allah, j'adore pas les tombes, donc c'est suffisant, ça y est, je suis musulman. Non, c'est pas suffisant. Il faut se désavouer du shirk. Se désavouer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis innocent, je le rejette complètement, je suis contre, je le déteste et je le hais. Et je suis l'ennemi déclaré de ce qui est shirk. Hein? Je le rejette et je le repousse. Hein? Je n'ai rien à voir avec le shirk, ni de près ni de loin. Il faut avoir cette attitude-là et cette position-là vis-à-vis du shirk en soi. Donc si tu dis, je ne fais pas le shirk moi-même, mais quand tu vois d'autres en train de commettre le shirk, en train de faire du shirk, tu dis... Ça, c'est pas moi. C'est leur choix. Ils ont le droit de faire ça. Ils sont libres de faire ça. C'est leur religion. Elle est bonne. Hein? Moi, j'ai ma religion. Elle est bonne. Eux, ils ont leur religion. Elle est bonne aussi. Dans ce cas-là, tu ne t'es pas désavoué du shirk. Se désavouer du shirk, c'est pas juste dire j'accepte pas le shirk pour moi-même, mais je l'accepte pour les autres. Non. Te désavouer du shirk, ça veut dire que tu te désavoues du shirk. Que tu pourrais faire toi-même ou du shirk que toute autre personne est en train de pratiquer et d'appliquer dans sa religion ou dans son adoration. Et que tu le rejettes. Hein, tu te désavoues de tout ce qui est contraire au tawhid. Et même ça encore, c'est pas suffisant. Il faut ensuite se désavouer et rejeté complètement les mouchriquins, ce que font les mouchriquins et les mouchriquins eux-mêmes. Parce que tu ne peux pas dire que tu es sur le tawhid et que tu es d'accord avec les gens du shirk par la suite, et que tu approuves hein, les gens du shirk, et que tu les wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et que tu les aimes et que tu t'approches d'eux hein, et que tu les prends pour alliés dans leur religion. Ça c'est faux, ça c'est incorrect. Donc le cheikh il explique que le fait de se désavouer du shirk et de se désavouer des gens du shirk, ça signifie de se couper et de s'écarter complètement du shirk et des gens qui pratiquent le shirk, en croyant que ce qu'ils font est totalement faux, croyant que le shirk qu'ils pratiquent est totalement batil. Hein, tu dois croire qu'il est totalement faux et inacceptable, et tu dois absolument t'en écarter et t'en éloigner. Tu dois croire qu'il est obligatoire de prendre en animosité les gens qui adorent autre que Allah et qui font le shirk avec Allah, parce qu'ils sont des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'ennemi des mouchriquins, et les mouchriquins sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi tu les détestes parce que Allah les déteste. Tu les détestes pour Allah. Donc tu ne vas pas les prendre pour alliés, tu vas les prendre uniquement comme ennemis. Tu vas les prendre uniquement comme ennemis. Parce que le musulman, il doit aimer tout ce que Allah aime et détester tout ce que Allah déteste, et aimer tout ce que Allah aime et détester tout ce que Allah déteste. Et on se base pour connaître ce que Allah aime et ce qu'il déteste, on se base sur la révélation, sur le Coran et sur la Sunna. Allah dans le Coran, il nous dit qu'est-ce qu'il aime, et il nous dit qui il aime, et il nous dit aussi qui il aime pas et qu'est-ce qu'il aime pas. Il le dit à chaque fois hein, wallahu la yuhibbu al-fasad, wallahu la yuhibbu al-qawm al-fasiqin. Allah n'aime pas le désordre, Allah n'aime pas la corruption, Allah n'aime pas les peuples qui font la perversité ou qui font le fisq ou des choses de ce genre hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent constamment, et il aime ceux qui se purifient constamment. Ça c'est des exemples de ce que Allah aime, et il y a plein d'autres exemples aussi de ça hein. Donc Allah, il y a des choses qu'il aime, il y a des gens qu'il aime, et il y a des choses qu'il déteste, et il y a des personnes et des choses qui, les personnes qu'il déteste aussi. Et nous, on doit suivre ça et respecter ça, et aimer ce qu'Allah aime et détester ce qu'Allah déteste. Si on aime ce qu'Allah déteste et qu'on déteste ce qu'Allah aime, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre foi, un problème dans notre tawhid. Hein? On n'est pas en ordre, on n'est pas correct dans notre foi. Donc, on déteste les ennemis d'Allah parce que Allah les déteste, et parce qu'ils sont les ennemis d'Allah et de son messager et de sa religion. Donc tu ne dois pas les aimer et tu ne dois pas les prendre pour alliés. Tu dois les couper par rapport à la religion et t'écarter d'entre eux. Hein? Et croire que ce qu'ils pratiquent et ce qu'ils font comme religion, c'est totalement faux. Et tu ne dois pas les aimer de ton cœur. Et tu ne dois pas non plus souhaiter la victoire ou leur donner la victoire ou les aider par la parole ou par les actions dans leur religion ou dans ce qu'ils propagent comme fausseté. Et ce n'est pas nécessaire que ce soit seulement une question, par exemple, une religion qui est connue comme le christianisme ou le judaïsme ou une autre religion parmi les fausses religions de ce genre. Même si c'est quelqu'un qui défend ou qui supporte une idéologie ou une croyance ou un système parmi les systèmes actuels, modernes, qui sont contraires à l'islam ou en opposition avec le tawhid, eh bien, tu dois détester ces systèmes-là et ces choses-là puisqu'ils sont en opposition avec l'islam. Et tu dois détester ceux qui les défendent, ceux qui supportent ces idées-là, comme la laïcité, la démocratie et les choses qui sont dans ces catégories-là, parce qu'elles s'opposent, ces choses-là s'opposent au fondement de la foi en Allah. Hein? Donc, tu ne dois pas les supporter, tu ne dois pas les aider. Tu dois les détester, mais tu dois les détester pour Allah seul. Hein? Et ça, de les détester pour Allah, c'est une adoration. Quand tu détestes quelqu'un pour Allah, eh bien, Allah te récompense pour cette haine que tu as. Et quand tu aimes pour Allah ce que Allah aime, eh bien, tu as des récompenses, c'est une adoration. Allah, il te récompense pour cet amour. Hein? Mais il faut être certain que ça, c'est uniquement pour Allah. Pas pour la dunya, pas pour un intérêt, pas pour quelque chose parmi les plaisirs ou les choses de la vie d'ici-bas. Comme des gens qui détestent quelqu'un pour de l'argent, ou bien pour des problèmes politiques ou économiques. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ou bien des gens qui aiment quelqu'un pour de l'argent, ou bien parce que yani, il a un intérêt dans la dunya, il n'aime pas pour Allah, il n'a pas de récompense dans ce cas là il faut vraiment que ce soit sincère. Hein? Donc quand tu détestes le shirk, tu détestes que les gens adorent autre que Allah, tu détestes que des gens adorent des idoles, tu détestes que des gens adorent des tombes, tu détestes que des gens adorent des saints, tu détestes que, Allah, que des gens adorent yani, des croix, et tu détestes ceux qui font ça. Ça, c'est une haine, et c'est le fait de détester quelque chose qui est en accord avec l'islam. Parce que tu détestes ce qui est faux. C'est pour ça que tu le détestes. Tu le détestes pourquoi ? Tu le détestes parce que c'est faux. Hein ? Parce que c'est contraire à la vérité. D'accord ? Ça, c'est important de comprendre ça. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, nous, on aime tout le monde. On ne veut pas détester personne. Tu lui demandes, à cette personne, demande-lui, est-ce que tu aimes le shaitan ? Il va dire, non, j'aime pas le shaitan. Alors tu dis, mais là, tu t'es contredit. Tu disais que tu aimes tout le monde et que tu détestes personne. Maintenant, tu dis que tu détestes le shaitan. Ok, maintenant, tu as dit que... Yani, tu as dit que tu détestes le shaitan. Est-ce que tu aimes les alliés du shaitan ? Oui ou non ? Hein ? Tu n'aimes pas les alliés du shaitan. Donc, tu t'es contredit encore une fois, parce que tu disais que tu aimais tout le monde, maintenant tu dis que tu n'aimes plus les alliés du shaitan. Hein? Donc, c'est comme ça que tu vois que ces gens-là, ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Parce que tu ne peux pas aimer Allah, puis aimer le shaitan. Et tu ne peux pas aimer les awliyas d'Allah, les alliés d'Allah, et aimer les awliyas du shaitan en même temps. Sinon, tu te contredis. Ça veut dire que tu n'aimes pas Allah, puisque tu aimes ses ennemis. Et ça veut dire que tu détestes pas ses ennemis puisque tu aimes Allah. Hein? Donc tu ne peux pas être dans deux équipes en même temps. Il faut que tu choisisses lequel des deux tu veux être. Tu veux être dans quelle équipe ? L'équipe d'Allah ou l'équipe du shaitan ? Choisis. Hein? Et donc ça, c'est important de comprendre. Et donc... le cheikh il dit donc c'est ça, لأنهم أعداء لربك وأعداء لدينك فكيف تواليهم وهم أعداء الإسلام. Donc comment tu peux les prendre et les aimer alors qu'ils sont les ennemis de l'islam? Hein? Et le cheikh il dit ensuite, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا يكفي أنك تستسلم لله وتنقاد له بالطاعة وأنت لا تتبرأ من الشرك ولا من المشركين. هذا لا يكفي ولا تعد مسلما ولا تعد مسلما حتى تتصف بهذه الصفات. أولا الاستسلام لله بالتوحيد، ثانيا الانقياد له بالطاعة، ثالثا البراءة مما يضاد التوحيد ويضاد الطاعة وهو الشرك، ورابعا البراءة من الشرك. D'accord, donc là le chef il dit, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas suffisant que tu vas juste donc le chef il dit c'est pas suffisant que tu vas te soumettre à Allah, c'est pas suffisant que tu vas lui obéir et que tu te soumets à lui dans l'obéissance. Tu dois te désavouer du shirk et tu dois te désavouer des mouchriquins. Si tu n'étais pas désavoué du shirk et tu n'étais pas désavoué des mouchriquins, ce n'est pas suffisant. Et tu n'es pas considéré comme un musulman jusqu'à ce que tu aies ces caractéristiques. Le cheikh, il a divisé la définition de l'islam en 4 catégories, en 4 points. Parce qu'il a 4 points en réalité. Al-istislam, la hubit tawhid, l'inqiyad, la hubit ta'a, wal bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. Donc, est-ce que tu peux me répéter la définition en arabe? لله إيه نعم ما شاء الله. tu peux la répéter? Mais si tu peux le dire en français, si tu peux pas le dire en arabe, tu peux le dire en français aussi. Non, ok, je vais le traduire en français. Mais Mukhtar, tu le sais en arabe toi? إيه نعم. Donc c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire al-istislam lillahi? C'est que al-istislam lillahi bit-tawhid. On le répète souvent, mais des fois on comprend pas vraiment qu'est-ce que ça implique. Ça implique de se soumettre à Allah dans le sens que par le tawhid, dans le sens qu'on lui purifie notre adoration. On lui purifie notre adoration. C'est ça que ça veut dire. Parce que le cheikh il a dit ici al-istislam lillahi bit-tawhid wa huwa ifradullah عز جل وعلا بالعبادة وهذا هو معنى التوحيد. Donc quand on dit le tawhid en général tout seul, c'est en premier tawhid al-ibada ou tawhid al-uluhiyya. Donc quand il dit al-istislam lillah bil-tawhid, c'est-à-dire tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid, c'est-à-dire en purifiant ton adoration pour Allah seul. Ça c'est la première partie de la définition. Exactement, de concrétiser le tawhid d'Allah en purifiant ton adoration pour qu'elle soit uniquement pour lui. Ou la deuxième partie, ou l'inqiyad ou lahu bitta'a, c'est-à-dire que tu vas te soumettre à lui en mettant ses ordres en application. Tu vas te soumettre à lui en mettant ses ordres en application et en t'écartant de ce qu'il t'a interdit. Donc, en établissant son obéissance. Ou la troisième partie, ou le bara'atu min ash-shirk, que tu vas te désavouer complètement du shirk. Hein? Tu le rejettes complètement et tu t'en écartes. Ou ahlihi, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le shirk. C'est-à-dire les gens qui pratiquent le shirk. Ces quatre points sont les quatre points qui définissent l'islam et qui sont en fait même des points de condition pour être un vrai musulman. Si quelqu'un n'a pas respecté ces points-là, il n'est pas musulman. C'est ça que le cheikh explique ici. Il dit وَبِتَحْقِيقِ هَذِهِ الصِّفَاتِ تَكُونُ مُسْلِمًا أَمَّا إِذَا نَقَصَتْ صِفَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهَا فَإِنَّكَ لَا تَكُونُ مُسْلِمًا. فبهذه الكلمات الثلاث لخص الشيخ تعريف الإسلام. وكم من إنسان لا يعرف معنى الإسلام لأنه لم يتعلم هذا الشيء، ولو قيل له ما هو الإسلام لم يجب جوابا صحيحا. Donc le cheikh il dit, en réalisant ces caractéristiques là, c'est ainsi que tu seras un musulman. Mais si tu as un manque dans ces caractéristiques-là et dans cette description-là, il te manque une d'entre ces différentes trois ou quatre descriptions, définitions, tu ne seras pas un musulman. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce cas-là, tu n'es pas musulman. Donc, par ces trois caractéristiques, le cheikh, il définit l'islam. Et combien de gens aujourd'hui, ils ne connaissent pas cette signification-là de l'islam? parce qu'il n'a pas appris cette chose-là. Et si tu lui demandes, ou si tu lui dis, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, si tu lui dis, qu'est-ce que c'est l'islam, il ne va pas te donner une définition correcte. Le cheikh dit, il ne va pas te donner une définition qui est exacte. Si tu dis que l'islam c'est la soumission à Allah, c'est pas complet. C'est une partie de la définition de l'islam. Mais l'islam c'est pas juste de se soumettre à Allah seulement. Se soumettre à Allah ça implique des choses. Et parmi ces choses-là, c'est justement qu'est-ce qu'on a mentionné, d'établir le tawhid et de l'obéissance et de se désavouer du shirk. Et des gens du shirk. C'est pour ça qu'il y a des ulama qui ont défini ou qui ont mentionné que le témoignage de la ilaha illallah, il a des conditions. Hein? Et parmi ces conditions-là, ils ont mentionné par exemple ces exemples-là. Hein? Et il y a le fait de faire preuve de, premièrement, d'avoir la connaissance, de l'accepter, de l'aimer, de se soumettre, hein? Et d'être sincère et véridique, sincère et véridique, et de se, il y en a qui mentionnent aussi le fait de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, hein, et la certitude, d'avoir la certitude. Donc c'est ça. La certitude c'est le contraire du doute en fait, c'est ça. Donc ça c'est en ce qui concerne la définition de l'islam. Ensuite le cheikh il explique que la religion de l'islam elle est divisée en 3 degrés. Ok, donc le cheikh il dit wa huwa thalathu maratib al-islam wal-iman wal-ihsan wa kullu martaba laha arkan. C'est-à-dire que l'islam est divisé en 3 degrés. Il y a le degré de l'islam, qui est la soumission, le degré de la foi, l'iman, et le degré de l'ihsan, qui est l'excellence dans la religion, dans l'adoration. Et chacun de ces degrés, il a des piliers. Chacun de ces degrés-là, il a des piliers. Donc, le cheikh Al-Fawzan il explique, il dit معنى المراتب الدرجات لأننا قلنا إن الدين 3 درجات بعضها أعلى من بعض أول مرتبة من مراتب الدين هي الإسلام ثم بعدها الإيمان ثم بعدها الإحسان فالإسلام أوسع والإيمان أضيق من الإسلام والإحسان أضيق من الإيمان. Donc ici, le cheikh il explique que la religion elle est divisée en degrés. Quand on dit en arabe maratib, c'est le pluriel de martaba, et le cheikh il dit que ça signifie darajat, qui est le pluriel de daraja, qui signifie des degrés ou des niveaux. Donc la religion elle est en 3 degrés ou en 3 niveaux. Comme on a expliqué que la religion elle est en 3 degrés, certains de ces degrés-là sont plus élevés que les autres. Le premier degré, c'est le degré de la religion qui est l'islam. Ensuite, il y a le degré de la foi, l'iman. Puis ensuite, il y a le degré de l'ihsan, qui est l'excellence, le plus haut degré dans l'adoration et dans la foi. Donc, le cheikh explique que l'islam, si on divise ces degrés-là, puis on les représente par des cercles, le plus grand cercle, c'est l'islam. Ensuite, il y a un autre cercle plus petit qui est à l'intérieur, qui est le cercle de l'iman, à l'intérieur de l'islam. Puis il y a un autre cercle à l'intérieur du cercle de l'iman, qui est encore plus petit, c'est le cercle de l'ihsan. D'accord? Et c'est encore plus étroit que l'iman. Le cheikh dit فدائرة الإسلام واسعة المنافقون يدخلون فيها. إذا انقادوا إلى الإسلام وأظهروه والتزموا به ظاهرا وإذا صلوا مع المسلمين وزكوا وعملوا الأعمال الظاهرة يسمون مسلمين وتطبق عليهم أحكام المسلمين في الدنيا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين لكنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار لأنهم ليس عندهم إيمان وإنما عندهم إسلام ظاهري فقط. Donc le cheikh il explique que dans le grand cercle qui est le cercle de l'islam qui est le plus grand, il est très large. Et dans ce cercle-là de l'islam, même les munafiqoun ils rentrent. C'est-à-dire même les hypocrites ils rentrent dans ce cercle. C'est-à-dire lorsqu'ils appliquent et qu'ils se soumettent en apparence à l'islam. Donc, du moment qu'ils se soumettent à l'islam en apparence, ils rentrent dans l'islam. Parce qu'ils appliquent les règles générales apparentes de l'islam, comme la prière. Ils prient avec les musulmans. Ils font la zakat. Ils font des œuvres apparentes. Donc, on les appelle musulmans à cause de ça. Hein? On les appelle musulmans et on applique sur eux les règles de l'islam dans la dunya. Même si en réalité ce ne sont pas des musulmans. Ils ont les mêmes droits que les musulmans et ils ont les mêmes devoirs que les musulmans aussi. Mais dans l'au-delà, ils seront dans le plus bas niveau de l'enfer. Dans le plus bas niveau de l'enfer parce qu'ils n'avaient pas de iman, ils n'avaient pas de foi. Donc, ils ont seulement un islam en apparence seulement. D'accord? Donc ça c'est pour expliquer ce premier degré là qui est le degré de l'islam qui est le grand cercle comme on a dit. Ça concerne ceux qui ont l'islam. Que ce soit qu'ils ont l'islam en apparence et dans leur cœur ou bien seulement en apparence. On les appelle musulmans et on dit que ce sont des gens qui sont dans l'islam. À l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaissait les munafiqins. Il savait qui étaient les hypocrites. Il connaissait leur nom même. Il savait qui ils étaient exactement par leur personne. Et malgré ça, il les laissait participer avec les musulmans à la prière. Il les acceptait avec les musulmans. Donc, quand il faisait le djihad, il partait avec les musulmans. Quand ils mouraient, on les enterrait et on priait sur eux. Ils étaient enterrés dans le cimetière des musulmans. Et ils héritaient et on héritait d'eux. Alors que c'était des koufars et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait ça. Mais il appliquait sur eux les règles apparentes de l'islam parce que nous, dans l'islam, c'est comme ça. On se base sur qu'est-ce qui est apparent. Pas sur qu'est-ce qui est dans le cœur, puisque qu'est-ce qui est dans le cœur, nous, on ne le voit pas. C'est Allah seul qui le voit. Hein? En réalité, il n'y a pas de, comme on dit, l'expression musulman, pratiquant, musulman, pas pratiquant. Tout musulman est supposé d'être pratiquant. Comme si du moment que quelqu'un est musulman, il doit faire les 5 prières par jour, par exemple. Et il y a certains ulama qui considèrent que si quelqu'un il reconnaît l'obligation de la salat et qu'il ne les fait pas par paresse, qu'il quitte l'islam. En se basant sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit يعني بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Donc c'est des hadiths qui indiquent que la personne qui ne fait pas la salat, elle n'est pas musulmane. Mais c'est une position parmi les positions des ulama, tandis qu'il y a d'autres ulama qui considèrent que tant que la personne reconnaît cette obligation-là, il est toujours musulman. Sauf que s'il l'abandonne par paresse ou il la délaisse de temps en temps à cause de d'une paresse ou de faiblesse de la foi ou des choses comme ça, il est toujours musulman, mais sauf que c'est un pécheur. D'accord? Donc, on peut dire que ça, ce serait, disons, la limite. Hein? par rapport à qu'est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est pratiquant ou non. Wallahu a'lam. Tandis que si tu vois quelqu'un, par exemple, qui est musulman mais qui commet des péchés, même s'il commet des péchés, tu vas pas dire qu'il n'est pas musulman pour ça, tu comprends? C'est lorsque quelqu'un, il commence à dire, peu importe que tu sois musulman pratiquant ou non, on est tous musulmans égaux, équivalents, on est tous pareils dans la foi. Il n'y a pas un meilleur musulman qu'un autre, il n'y a pas un plus grand croyant qu'un autre, on est tous pareils. Ça, c'est la aqida des murji'a, qui font pas de distinction entre les gens et qui excluent les actions de la foi. Pour eux, peu importe que tu fasses plus ou moins, que tu sois un meilleur pratiquant ou non, t'es pas meilleur musulman. T'es pas plus fort dans ta foi à cause de ça. Ça devient grave. Parce que là, ça rentre dans la bid'a, yani. Donc, c'est dangereux, yani. Oui, c'est ça, parce que ça vient des chrétiens, en fait. Ça vient des chrétiens, cette affaire de dire que je suis pratiquant ou je suis pas pratiquant. Est-ce que tu es pratiquant? Ouais. En principe, c'est déjà le mot musulman, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie soumis. Quelqu'un qui s'est soumis à Allah. Donc, comment tu vas dire que tu t'es soumis à Allah, mais que tu n'es pas pratiquant? Non. Hein? C'est contradictoire. Ouais, c'est ça. Bon, on essaie toujours de faire son possible, de faire le plus qu'on peut, d'être le meilleur musulman possible, mais c'est sûr qu'on aura toujours des manquements ou des limites ou des faiblesses, mais c'est important que chacun fasse des efforts pour être un meilleur musulman. Yani. Donc, de dire qu'on est musulman pratiquant, c'est un ajout comme j'ai vu moi chez les chrétiens, parce que les chrétiens, c'est comme ça qu'ils disent. Moi, quand je me rappelle, quand on était petit, les gens disaient, je suis catholique, mais je suis pas pratiquant. Hein? Il y en a même qui vont dire, je suis catholique, mais je suis pas croyant. Tu vois? C'est encore plus contradictoire. Et on a entendu certains musulmans qui disent ça aussi maintenant. Ou des gens qui se disent musulmans. Ils disent, je suis musulman de culture, mais pas de conviction. Je suis musulman de tradition ou de culture. Ça veut dire quoi? Tu peux pas être musulman de culture parce que l'islam c'est une aqida, c'est une croyance, c'est une conviction, c'est une foi que tu mets en application. C'est pas juste un bagage culturel que t'as hérité de tes parents puis que tu transportes avec toi comme ça, hein. Donc ça c'est des problèmes de compréhension que certaines personnes ont malheureusement. Ensuite le cheikh il dit qawluhu al-iman wa hadhihi hiya al-martabatu al-thaniya. والمؤمنون يتفاوتون منهم المقربون ومنهم الأبرار والمقربون هم أصحاب أعلى الدرجات والأبرار دونهم ومنهم الظالم لنفسه وهو المرتكب للكبائر التي هي دون الشرك هذا هو مؤمن فاسق فهو مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Donc ça c'est un verset dans le Coran. Le cheikh explique qu'il y a un autre degré de la foi qui est un degré encore plus qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est dans le cercle qui est à l'intérieur de l'islam, c'est-à-dire le degré de al-iman. Et le degré de l'iman, parmi eux, il y en a qui sont des rapprochés d'Allah, et parmi eux, il y en a qui sont parmi les abrar, al-muqarraboun, c'est les rapprochés d'Allah, al-abrar, c'est les vertueux, les gens qui sont les bienfaisants, les gens du bien. Et les muqarraboun, ce sont les plus élevés. Et les abrar, ils sont un peu en bas, un peu en dessous. Et il y a aussi ce qu'on appelle, hein, ou celui qu'on appelle, al-zalimu li nafsi. C'est-à-dire celui qui se fait de l'injustice à lui-même ou du tort à lui-même. C'est-à-dire celui qui commet des grands péchés, qui sont moins graves que le shirk, mais qui sont quand même des grands péchés, mais qui ne sont pas aussi graves que le shirk. Celui-là, c'est un croyant, mais qui est pécheur en même temps. C'est un fasiq. Mu'min fasiq. Ou bien, on peut dire aussi un croyant, mais avec la foi qui est faible. Ou la foi qui est défaillante. Et le cheikh il mentionne le verset 32 dans Sourate Fatir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a classifié les mu'minin. Jamal, faddal, faddal. Laisse pas le shaitan prendre le dessus sur toi, mon frère. Ça c'est un de mes professeurs qui m'a dit ça quand j'étais à Médine. J'allais pour réciter le Coran. Et puis, pendant deux jours, il m'a pas vu. Et c'est pas parce que j'étais pas allé, pour réciter. C'est parce que là-bas, comment ça fonctionnait, c'est que il fallait que le premier qui arrive, il écrit son nom sur un papier. Et puis, celui qui vient après, il écrit son nom par la suite. Donc moi, ce jour-là, je voulais être parmi les premiers. Donc, je suis arrivé, le premier, c'est moi qui a mis le papier. J'ai écrit mon nom. Et j'ai mis le papier à côté du pilier, là où le cheikh il vient pour s'asseoir après l'asr. Donc, quand je suis revenu un peu plus tard, j'ai vu que quelqu'un avait enlevé le papier et avait mis un autre, avec une autre liste de noms. Alors mon nom était plus là, il a fallu que j'écrive mon nom à la fin. Et tellement qu'il y avait des noms, que la prière de Maghrib est arrivée et mon tour n'était pas encore venu. Donc, il n'y avait pas lu ce jour-là. Le lendemain, la même chose. Alors là, c'est pour ça que pendant deux jours, le cheikh ne m'avait pas vu. Et là, quand il m'a vu, le troisième jour, il m'a dit, « Laisse pas le shaitan avoir le dessus sur toi. » Hein? Donc ça c'est un conseil que le cheikh il m'avait donné. Mais non, il faut rester. Inch'Allah, on a presque fini, il reste 10 minutes, même pas 5 minutes. Ok, 5 minutes. Ok, ça c'est pas trop, hein. Donc dans ce verset, dans Sourate Fatir, le cheikh il mentionne ce verset là qui classifie ou qui mentionne les croyants en trois catégories. Il dit faminhum ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Parmi eux, il y en a qui se font du tort à eux-mêmes, ceux qui commettent des grands péchés parmi les musulmans, hein, et qui sont moindres que le shirk. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد. Parmi eux, il y en a qui sont مُقْتَصِد, c'est-à-dire, yani, il ne fait pas de péché et en même temps, il ne fait pas plus d'efforts dans l'adoration, il ne fait que ce qui est obligatoire. Il s'écarte des péchés et il fait ce qui est obligatoire. Et il y a l'autre qui est as-sabiqu bil khayrat wa minhum sabiqun bil khayrat bi idhnillah. Hein? C'est-à-dire ceux qui ont dépassé, qui ont devancé tous les autres par le bien qu'ils font par la permission d'Allah. Dhalika huwa al-fadl al-kabir. Voilà le grand, hein, la grande grâce. Et le verset qui suit, le cheikh l'a pas mentionné, mais le verset qui suit qui dit jannatu adnin yadkhulunaha. C'est-à-dire les jardins d'Éden, ils vont y entrer. Ça veut dire ces trois catégories-là, Allah dit qu'ils vont rentrer au paradis. Bien entendu, ils vont peut-être pas tous rentrer en même temps. Il y en a qui vont peut-être passer par l'enfer avant d'entrer au paradis, mais ils vont quand même tous entrer au paradis parce que ce sont des gens du tawhid qui ont des degrés différents de foi. Donc ça nous montre que la foi n'est pas d'un seul degré et que tout le monde sont pas parmi les croyants, tout le monde sont pas tous au même niveau. Attends. Wa qawlu al-ihsan hadhihi hiya al-martabah ath-thalitha wa hiya al-ihsan. Wa hiya al-ihsan. Wa al-ihsan hiya an yuhsin al-'abd fi ma baynahu wa bayna Allah fi 'ibadati Allah 'azza wa jalla. Wa ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك, أي يكون عندك علم يقيني أن الله يراك أينما كنت. Donc le cheikh il dit que l'Ihsan c'est le fait que, ça c'est le troisième degré qui est le plus petit cercle dans les trois qui est à l'intérieur du cercle de l'Iman, parce que c'est un degré plus élevé de la foi. Et l'Ihsan, c'est que le serviteur, il fasse preuve de bien, hein, et yani, qu'il fasse preuve d'excellence dans la relation qu'il y a entre lui et son Seigneur. Dans son adoration pour Allah, Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mentionné al-ihsan, il a donné un exemple en disant que al-ihsan, c'est que tu adores Allah, hein, et que tu restes conscient que Allah te voit pendant que tu l'adores. Et si tu n'arrives pas à concevoir ou à être conscient que Allah te regarde ou qu'il te voit, alors, hein, pardon, c'est que tu adores Allah comme si tu étais en train de le regarder, comme si c'était toi qui étais en train de le regarder, comme si tu le voyais toi, hein, comme s'il était devant toi. Et si tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais, alors sache que lui, il te voit. Et donc, le cheikh, il explique que ça veut dire que tu as une connaissance et une certitude profonde que Allah te voit, peu importe où tu es, et que quand tu l'adores, tu restes toujours avec cette conscience dans ton esprit. Quand, peu importe qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu dis, où tu es, à quel moment tu adores Allah, tu te rappelles qu'il te regarde. Ou bien, mieux encore, tu penses qu'il est devant toi et tu t'imagines qu'il est devant toi et que tu peux le voir toi. Hein? Donc ça c'est l'exemple. Puis chacun de ces piliers-là, chacun de ces degrés-là, il a des piliers. قَوْلُهُ وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ وَالْأَرْكَانُ جَمْعُ رُكْنٌ وَهُوَ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ الشَّيْءِ. Donc le pilier, c'est qu'est-ce qu'on utilise pour mettre quelque chose par-dessus. Quand on met quelque chose sur quelque chose, on dit que quelque chose se tient dessus, donc on appelle ça un pilier. On peut dire en arabe « rukn » ou bien un pilier. Et al-arkan, fa-arkan al-shay jawanibuhu, alati yaqumu alayha, wa la yaqumu bidunha, wa takunu bidakhil al-shay, khilaf al-shurut, fahiya takunu kharij al-shay, mithlu shurut al-salah, fahiya kharij al-salah, qabla al-salah, qablaha. Amma arkan al-salah, fa-innaha bidakhilha. مثل تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فإذا اختل شيء منها فإن الصلاة لا تصح كما لو فقد شيء من أركان البنيان فإنه لا يقوم ولا يعتمد. Donc le cheikh il dit que les piliers d'une chose sont les côtés qui la tiennent. Elle ne peut pas se tenir sans ces piliers là, sans ces barres là. Et c'est comme une tente, par exemple, tu veux te faire tenir une tente, tu vas mettre un poteau en plein milieu pour que la tente se tienne, puis il y a les côtés aussi. Donc, il dit, c'est pas, les piliers, c'est pas comme les conditions. Quand tu dis les piliers de la salat, c'est pas comme les conditions de la salat. Les conditions de la salat, c'est quelque chose qui est extérieur à la salat. Tandis que les piliers de la salat, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de la salat, qui tient. Il fait en sorte que cette salat-là, elle est valable. Tandis que les conditions, c'est avant de rentrer dans la salat, qu'est-ce que tu dois respecter pour que ta salat soit valable. Donc c'est ça que le cheikh il explique. Que si t'as pas, pour comprendre la différence entre le terme rukun et le terme shart, hein, la condition et le terme pilier. Donc il dit l'exemple de condition, c'est qu'est-ce qui est avant la salat. C'est pas à l'intérieur. Comme par exemple, takbiratul ihram, qira'atul fatiha. Hein? Si tu manques une de ces choses-là, ta prière ne va pas être valable. Ça, c'est dit pilier de la salat. Tandis que pour les conditions de la salat, c'est comme par exemple que tu t'orientes dans la direction de la qibla. Enfin, que tu sois en état de pureté. Hein? Et des choses de ce genre. Donc, tu as besoin des piliers pour tenir le bâtiment, sinon le bâtiment il va pas tenir. Donc on va s'arrêter ici, inchallah, pour aujourd'hui. Puis on continuera la suite au prochain cours, inchallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.